confessant fait moins power. Mon confessant fait moins power. Mon confessant fait moins power. Mon confessant fait moins power. Mon confessant fait moins power. On dit où t'es malade. moins déconner. Toujours derrière. Si moins déconner.